Stephen King aime les ampoules, Stephen King aime le sud. J'avais aucune idée pour cette intro, donc j'ai utilisé un générateur de noms communs aléatoires. Stephen King a écrit Les Enfants du Maïs et Kurt Weimer en a réalisé la troisième adaptation. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris comme d'habitude. Bonjour. Salut. Ça va ? Ça va. Dis-moi comment tu vas faire parce que il en reste encore beaucoup les enfants du maïs à traiter. Bah je sais pas, je vais trouver des trucs. J'organiserai des sondages auprès du public. J'en sais rien. Ça va commencer à être compliqué cette affaire. Et en échange, tu sais, sur Patreon, en échange d'une certaine somme, vous avez le droit de choisir une intro pour les démons du maïs. Va falloir mettre des trucs en place. Quoi de neuf de ton côté depuis les derniers enregistrements ? Ah bah écoute, pas grand chose, tout va bien. Ouais, toujours. Il n'y a pas eu de grosses nouveautés, je crois, autour de King depuis la dernière fois, donc rien de particulier à signaler. Non, parce que le prochain recueil de nouvelles, là, il était déjà annoncé. Ouais, c'est ça. Et oui, il n'y a rien de nouveau, effectivement. Niveau film, il n'y a rien de nouveau non plus, donc on va pouvoir se lancer rapidement. Pour un nouveau dans la longue saga cinématographique des démons du maïs, même si cette fois-ci, il est techniquement, en tout cas il se présente, on verra que c'est quand même très loin, comme une adaptation de la nouvelle en elle-même et pas une suite de la saga qui a déjà 150 épisodes dont on a déjà fait une partie. Donc c'est techniquement le troisième reboot après celui de Donald P. Borcher qu'on avait fait il y a très longtemps. Mm. Donc je propose qu'on y aille, on va évidemment spoiler le film, et c'est parti. Et allons-y. I know, it sucks. So hard sometimes you can hardly breathe. But I can help with your pain. Brace yourself. He who walks, he talked to me. He took care of me. So now I'm going to take care of him. Like killing all the adults. For starters. Donc, Les Démons du Maïs de Kurt Weimer nous raconte l'histoire, se passe dans une petite ville des États-Unis profondes, surtout basée sur l'agriculture du maïs, et elle nous raconte l'histoire de Bolaine, qui est une adolescente, qui voit d'un mauvais œil la décision des adultes agriculteurs d'arrêter le maïs, de détruire complètement les récoltes de maïs pour planter de nouvelles récoltes, a priori plus rentables, sachant qu'elle les accuse déjà d'avoir pourri le maïs et la terre eux-mêmes, en fait, en utilisant de plus en plus d'OGM. Et donc elle va avoir envie de changer les choses de manière douce, en passant par la presse, sauf que les enfants plus jeunes qu'elle, et notamment la jeune Eden, ne l'entendent pas de cette oreille, et décident de tuer tous les adultes, parce que c'est quand même plus simple. Et plus rigolo. Et plus dire, c'est plus distrayant. Le film est annoncé un peu en douce et il se tourne dans une situation particulière puisque en fait il est en tournage entre avril et juin 2020. Qu'est-ce qui se passait dans le monde entre avril et juin 2020 ? Et bien, le monde était confiné. Petite maladie. Voilà, c'est ça. Qui a pas fait grand bruit. Et donc a priori, en tout cas d'après ce que dit Kurt Weimer, pendant un temps au moins, ça a été le seul tournage actif du monde. Celui de ce film-là. Ah ouais ? Ouais. En tout cas, même si c'est pas réellement le seul, je pense qu'il y en a d'autres, oui, mais il y en avait vraiment très très peu, et c'était potentiellement le seul d'Australie, pour le coup. Ça, je veux bien y croire. Le producteur, qui s'appelle Luca Foster, a en fait obtenu une autorisation de tournage en échange du respect de protocoles sanitaires précis. Il a obtenu ça via Screen NSC, qui est une agence publique cinématographique de Nouvelle-Galles du Sud, donc un des états de l'Australie. Et l'agence a déclaré que le casting et l'équipe technique avaient été grandement réduits et que des protocoles de sécurité avaient été mis en place avec distance de sécurité, etc., etc., avec une obligation de tenir informées les autorités locales du déroulement du tournage. Afin de convaincre le gouvernement australien, a priori, ils ont mis en avant que les activités minières ne s'arrêtaient pas dans le pays, parce que, comme tu te rappelles, les activités considérées comme essentielles économiquement ne s'étaient pas arrêtées. Visiblement, les activités minières en Australie, si on les arrête, c'est l'économie du pays qui chute. Ouais. D'après ce que dit Kurt Weimer, hein, j'ai pas fait de recherche particulière sur le fonctionnement économique de l'Australie. Hein. Oui. Et donc ils acceptaient de respecter les mêmes règles, et que cela serait bénéfique, ils ont mis en avant que ça serait bénéfique symboliquement de montrer qu'il y avait moyen de se battre contre la pandémie sans tout arrêter. A priori, ça a pas mal fait jaser dans la presse, et il y a eu pas mal de rumeurs selon lesquelles les distances de sécurité n'auraient pas été respectées, des rumeurs qui ont bien sûr été démenties par le producteur pendant le tournage, mais aussi par l'agence gouvernementale Screen NSC. Mais après le tournage, Foster, le producteur, déclare à Variety « On peut théoriser ce qu'on veut avant le tournage, on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, je peux vous assurer que garder une distance d'1m50 entre les membres d'une équipe de tournage, c'est impossible. Mmh. » Donc a priori, ça n'aurait pas été totalement respecté quand même. Mais soit par chance, soit parce qu'ils ont quand même fait attention, il n'y a eu aucun cluster sur le tournage. Oui. A priori, pas de mal. D'accord. Kurt Weimer, le réalisateur qu'on évoque depuis tout à l'heure, donc en tant que réal, il avait fait Equilibrium et Ultraviolet. Oui. Bon, voilà. Voilà, qui sont pas... Bon, hein. C'est pas très bien. Hein. Equilibrium, je crois qu'il a eu un petit buzz à sa sortie. Après, c'est pas fou, quoi. Equilibrium, c'est plutôt moyen que nul, quoi. Ultraviolet, par contre, oui, c'est totalement nul. Oui. Equilibrium, j'ai encore un petit peu de sympathie envers lui, quoi. Ouais, après, moi, je suis pas fan de Christian Bale, déjà, donc ça m'aide pas. Et en tant que scénariste, pareil, je suis pas fan de ce qu'il a fait. Il a scénarisé le Thomas Crown de McTiernan, bon ça c'est pas mal, oui. Plutôt correct. Et Salt avec Angelina Jolie, qui est vaguement sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Oui, oh, bah c'est du Jason Bourne du pauvre, quoi. Ouais, Salt, c'est ça. Franchement. C'est ça, ça a essayé de lancer une saga et ça avait pas les épaules pour. Hélas, pour ce que Angelina Jolie, je l'aime plutôt bien. Oui, oui, clairement, elle c'est clairement pas de sa faute si le film s'est planté, quoi. Ouais, ouais, clairement. Weimer trouve l'idée de la nouvelle fascinante et il en adore le titre. Il parle pas mal de ça en interview et il se demande même en fait si c'est pas l'idée du titre qui a poussé King à écrire la nouvelle tellement c'est un bon titre. Mm-hmm. Il a vu le film de 84 pour lequel il n'a pas beaucoup d'estime, donc pour lui il s'agissait vraiment de repartir à zéro et il a vu aucune des autres œuvres de la saga. Selon lui, le format court a la qualité de laisser l'adaptateur très libre pour infuser ses propres thématiques, et il a voulu utiliser le film pour représenter une jeune génération beaucoup plus impliquée dans des combats politiques par rapport aux anciennes, notamment l'écologie. Donc, je vais laisser un peu la parole à Kurt Weimer. On a eu l'original, il est venu sur le... en enregistrement juste pour cette phrase-là. On l'écoute. Il est con, celui-là. On peut prendre cette histoire et amener les conflits générationnels de notre époque. Les enfants symbolisent l'avenir et le maïs la terre, très clairement. Les enfants sont bien plus au courant de l'actualité que par le passé, et ils s'expriment, ils deviennent de plus en plus audacieux. Internet est un mégaphone, et les enfants ont une utilisation jamais vue auparavant. Et je me dis que c'est tout à fait normal, l'avenir de notre planète n'est pas bon. Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus, et les seuls responsables, ce sont les adultes. C'est eux qui décident de l'avenir de ce monde, et ils ne font pas du bon boulot. Si j'étais un enfant destiné à vivre dans ce monde, j'aurais très envie de passer aux commandes. Et dans une autre interview, il y a eu pas mal d'interviews que j'ai trouvées sur ce film-là, ça m'a un peu surpris. Tant de Weimer que des deux actrices principales. Mmh. Il va plus loin en qualifiant Eden de personnage le plus lucide du film. On va passer donc au casting. Dans le rôle de Boylin, donc l'adolescente... qui est l'héroïne du film, c'est Elena Campouris, qui commence à jouer dans pas mal de séries maintenant. Donc évidemment, je ne connais pas, mais il y a des trucs que je connaissais de nom, dont Sacred Lies et Jupiter's Legacy, qui est un des trucs de l'univers de Millar. Oui. Ce qu'il veut développer. Oui, oui. Voilà. Je n'ai pas vu, par contre. Hein. Je t'avouerais que, n'étant pas vraiment fan de Millar, déjà... J'ai lu le comics, du coup. Il est bien. Qui est pas trop mal, franchement. mais l'adaptation, c'est une adaptation de Netflix, je crois. Je crois, ouais. Pas vu. Pas vu, et apparemment, j'ai pas loupé grand-chose. Parce que c'est très inégal maintenant, Millard, quand même, c'est, je trouve. Oui, on est d'accord. C'est, il a perdu le mojo, comme on dit. Peut-être qu'il en fait trop. Mais voilà, c'est vrai que des fois, il arrive encore quand même à sortir des trucs qui ont un... qui fonctionnent, quoi. Ouais. Mais oui, c'est effectivement de plus en plus rare. On est bien loin de l'époque Kick-Ass où... Millard était vraiment observé à la loupe et chacune de ses séries était vraiment sympa, quoi. Ouais. Et autant chez les Big Two que chez les indépendants. Et visiblement, Elena Kampouris, elle est aussi sur la série de films Mariage à la grecque, voilà. D'accord. Dont j'ai déjà entendu parler, mais encore une fois... Moi, je connais les yaourts à la grecque. C'est très bon. Ouais, c'est un mariage à la grecque, je comprends pas que ce soit pas une, ce soit pas un porno, quoi. C'est un pur titre de porno, quand même. Mais bon, c'en est pas. Dans le rôle d'Eden, donc la dirigeante des enfants tueurs, nous avons Kate Moyer, qui... évidemment, elle était en tout début de carrière à l'époque du tournage, elle avait 11 ans, je crois. Mmh. A priori, elle a un rôle secondaire dans le premier ça, pour un personnage appelé Esther, mais du coup, je vois pas du tout qui c'est. Ah, moi non plus. Mais je l'aurais pas reconnu, je suis pas physionomiste. Elle avait déjà joué dans un film d'horreur appelé Notre Maison, et depuis, elle est dans la série Holy Hobby, une série pour enfants sur une apprentie chanceuse. Donc voilà, c'est une carrière qui semble plutôt bien marcher pour elle, on lui souhaite le meilleur. Oui. Le père de Boylan est joué par Callan Mulvey, qui n'apparaît pas dès le début, mais c'est un acteur qui a joué dans... c'est l'acteur qui a joué dans le plus d'épisodes de la série Hartley Cœur à Vif, que je connais de nom. D'accord, oui, moi aussi. Et au cinéma, il est surtout dans des rôles secondaires pour le moment. C'est un membre de l'Hydra récurrent dans le MCU, par exemple. Mm-hmm. Il joue... alors, dans Batman vs Superman, il joue K.G. Beast. Je vois pas du tout qui ça peut être. Un ennemi russe. Oui, bah vu le nom, oui, je me voilà, doute. Voilà, mais du coup, dans Batman vs Superman, il est dedans. Peut-être dans la version longue. Ah, peut-être, ouais, parce que j'ai aucun souvenir. Bah, pourtant, j'ai vu la version longue, bah bref. Ouais. Après, c'est le genre de film que tu vois et que tu oublies vite. Ah, bah j'aurais préféré l'oublier, moi. Moi, je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans Batman vs Superman. Le seul truc que je me souviens, c'est la... c'est la robe ridicule de Gal Gadot qui camoufle à peine son épée dans le dos, là. Alors, l'intrigue, je m'en souviens mal, mais le style visuel et la musique, ils m'ont marqué, et pas en bien. Je me souviens de l'intro dégueulasse où on revoit le meurtre des parents de Bruce Wayne. Oui. Ouais, qui est très, très clinquante. Ouais. C'est vraiment pas un film que j'aime du tout. Non, mais non plus. Superman. Et, bah, visiblement, Snyder doit bien l'aimer, puisqu'il est aussi dans 300. Ah, d'accord. Voilà. C'est un acteur en fait qui a eu un gros ralentissement de carrière parce que bah, ça fait un parallèle avec King, il a eu un grave accident de voiture dont il a mis un moment à se remettre. Ok. Le pasteur Penny est joué par Bruce Spence, qu'on reverra dans un épisode de Rêve et Cauchemar, dans celui sur adapté de Petit Soldat, avec les jouets de soldats qui attaquent un mec, qui est a priori un des meilleurs de Rêve et Cauchemar, et qui a aussi une longue carrière de second rôle. Le directeur photo est Andrew Rollins, qui n'a pas fait grand-chose en tant que directeur photo. Il est surtout opérateur caméra, d'habitude. Ou alors opérateur photo additionnel, sur pas mal de prods importantes ces dernières années. Dont quand même des trucs comme Mourir peut attendre, Le réveil de la force, L'ascension de Skywalker, et Luther, Soleil déchu, qui est une plus petite prod, mais voilà, c'est Luther. Ok. Donc il est peut-être en ascension pour devenir un directeur photo important s'il travaille sur des trucs comme ça en seconde équipe. Oui, effectivement. Les effets spéciaux, là aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à être en superviseur effets spéciaux. C'est Steve Voskovic, je l'ai plutôt vu en étalonneur et responsable couleur, donc pas de gros rapport, a priori. Oui, effectivement. Mais c'est de la post-prod, quoi, j'imagine que ça vient de là. J'ai du mal à savoir si c'est signe d'un problème. Le réalisateur dit que non, mais il y a eu 3 monteurs qui ont travaillé sur le film, ce qui normalement est rarement bon signe. Ah oui, mais effectivement. Voilà. Enfin, après, la période pandémique Covid peut l'expliquer. Ouais, peut-être. Dit. Peut-être que ça forçait à travailler de manière un peu étrange. La musique, il y a 2 compositeurs dessus, Jacob Shee et Tim Count. Donc Jacob Shee, il travaille pour la société Bleeding Fingers, qui est une entreprise de composition de musique de film fondée par Zimmer et des collaborateurs à lui, qui institutionnalise en fait sa méthode de travail qu'il développait depuis 20 ans, C'est entre la musique au maître et la composition de groupe pour faire des résultats très rapides. Donc c'est une société qui propose à la fois une librairie de musique pas libre de droit, faut les acheter, mais qui existe déjà et que tu peux coller à ton film. Oui. Et qui propose aussi de composer de nouvelles pistes en mettant à chaque fois pas mal de monde dessus, ou alors des gens qui peuvent travailler vraiment très très rapidement. Donc une méthode pour laquelle je ne suis pas, clairement. Jacob Shee, lui, il en fait partie depuis un moment, quasiment depuis ses débuts en fait, et il a participé au BO de plusieurs documentaires, comme Planet Earth ou Blue Planet. Tim Count, il a un peu le même genre de compagnie, mais en Australie, elle s'appelle MDS, sa compagnie. Sur Children of the Corn, d'après son site, il indique avoir fait le thème principal et les musiques additionnelles. Et donc, malgré le fait que j'aime pas du tout cette méthode à bas coût pour faire de la musique, je trouve que la BO est vraiment pas mal. Elle fait le boulot. Alors, elle est introuvable indépendamment, donc je sais pas comment elle fonctionne en dehors. Mais elle a une certaine énergie dans ouais, le film. On est d'accord, elle habille bien les scènes, ouais. Ouais. Malgré ce tournage qui résiste à la pandémie, le film va mettre très longtemps à sortir parce que il y a un autre souci, c'est que le Covid va aussi ralentir l'activité des cinémas et que il voulait pas sortir le film dans une situation défavorable. Donc finalement, il y a une sortie fin 2022 qui est annoncée et s'est décalée un peu plus tard au 3 mars 2023 aux États-Unis. Mais il y avait eu une avant-première en octobre 2020 en Floride, ce qui prouve qu'il était bien terminé depuis un moment. Mmh. Il est vraiment resté 2 ans et demi dans les cartons en état fini. Oh la vache. Il est sorti par 2 sociétés conjointement, RLGE Films et Shudder. Il est diffusé donc d'abord au cinéma pour 18 jours d'exploitation en salle, puis il est disponible en VOD à partir du 21 mars et il sort en DVD en juin, je crois, début juin, et il arrive sur Shudder le 30 juin. D'accord. Donc une sortie un peu en salle, mais quand même très rapidement destinée à un marché plutôt domestique. Oui, c'est très rapproché. Il est mal reçu, il a actuellement 3,2 étoiles sur 10 sur Sens Critique. J'ai pas trouvé de note hallucinée, donc ça le mettrait remis sur 5 à égalité avec Les Enfants de Salem, Désolation et Les Démons du Maïs 7 en dessous. Je précise ça quand même, parce que je trouve que c'est scandaleux. En oui. dessous de Genesis. On est d'accord, c'est scandaleux. Il est en dessous des Démons du Maïs Genesis. Et il a 12% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 64e à égalité avec Genesis. Bon, à ce stade, évidemment, ça veut dire que pour les critiques, à peu près rien ne marche. King ne s'est pas exprimé dessus comme sur aucun des Démons du Maïs. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. À toi la main. How about Eden? Where's everybody? Where's the reporter? Sheila Boyce. Who? The reporter? From Omaha? You were supposed to pick her up. She never showed. Guess something more important must have come up. Did she? Doesn't really matter anymore, Beau. It's over. What is what's over? You were late. So we just went ahead and did it. You did what? The trial. Where are the parents? Where is everyone? Cam? Where's Dad? What the hell's going on? Wanna see something, Bob? Alléluia, mes frères et sœurs. Nous avons enfin vu un film Démon du Maïs qui n'est pas totalement nul à chier. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné et même stabiloté. Ça mérite d'être un jour de fête nationale. Putain! Donc attention, c'est pas un film non plus extraordinaire, mais c'est pas nul, et j'ai envie de dire, vraiment, il manque pas grand chose pour que le film soit bien en fait. Il est moyen plus, et du coup c'est dommage, parce qu'il y a tellement de bonnes choses dedans, mais à chaque fois ça concrétise pas, ou alors il manque quelque chose. Globalement, les vrais manques du film, c'est la réalisation qui est pas toujours folle, et le jeu des acteurs qui est pas toujours ouf. Parce que sinon, on en a parlé, la musique est bien. L'éclairage est plutôt agréable. Il est même surprenamment bon. Excepté à certaines scènes, mais il y a pas mal de scènes où la mise en scène plus la lumière rend vraiment bien. On avance rapidement dans le film, juste par exemple la scène où il y a des gamins qui font une espèce de chant religieux à l'intérieur du champ de maïs, et ils sont en contre-plongée avec des bougies à leurs pieds, et la scène rend vraiment bien visuellement. Ouais, je vois de laquelle tu parles, effectivement, je crois que je l'ai noté dans mes notes d'ailleurs. Vraiment, cette scène rend très très bien. Et à côté de ça, il y a des scènes... Il y a une scène où l'idée, la musique est très bien. C'est quand les enfants, à un moment, enterrent vivants certains adultes. Mais c'est tellement mal filmé. Mais c'est filmé avec les pieds. Il y a des espèces de ralentis bizarres, des gros plans serrés sur les mains entourés de terre. C'est dégueulasse. Visuellement, c'est dégueulasse. Alors que, entre les mains d'un bon réal, ça aurait donné une putain de scène. Globalement, je te rejoins. Je pense qu'il y a des scènes qui ont manqué de budget, dont celle-là. Je pense que ça peut expliquer des choses. C'est pas tant les acteurs et actrices que j'accuserais du problème que les dialogues. En fait, moi, je pense que les dialogues sont vraiment pas bons pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ils sont très littéraires, ils ont tendance à être très explicatifs. Et du coup, ça rend assez difficile de les jouer avec naturel. Il y a plein de moments où ça m'a pas mal marqué. Mais pareil, j'ai passé un agréable moment. Effectivement, il est plutôt propre visuellement, à l'exception de quelques scènes. On y reviendra, He Who Walks, donc celui qui marche entre les rangs. Je trouve qu'il marche quand on le voit qu'en partie, il marche moins bien quand on le voit en entier. On y reviendra peut-être plus en détail. Ah oui, la mort de la journaliste, tu peux t'imaginer, c'est ça que tu parles. Par exemple, ouais. Ouais. Après, là, on le voit de loin, donc ça passe encore. Mais... Là, ça dépend des moments où on y reviendra. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas, parce qu'il se passe pas mal de choses avec un scénario qui est plutôt bien mené, qui marche bien. Le rythme est bon, même si je trouve que le rythme est bon à partir du moment où les adultes sont emprisonnés. C'est-à-dire, le début est un peu longué à se mettre en place. T'as des séquences... de dialogue avec les ados qui discutent entre eux au début, ou alors le frère et la sœur là qui discutent entre eux, c'est un peu longuet. Moi, ça m'a pas trop gêné pour le coup, ça. Il y a la scène aussi où ils veulent exécuter un des gamins là, pour je ne sais plus quelle raison, je trouve la scène un peu longuette quand même. Oui, surtout que celle-là, je lui reproche un peu d'arriver, d'être trop trop haute, trop tôt. Oui, en fait, ils sont très très vite psychopathes quand même. Oui, voilà, alors que le film a commencé depuis même pas 10 minutes, et tu te dis, les gamins sont déjà barjots en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, en plus, le film a des choses à raconter. On pourra revenir sur le message. Je ne sais pas si je suis d'accord avec tous les éléments du message, mais il y en a un et qui est loin d'être con. Ah bah oui, sur le traitement des terres les OGM et tout ça là. Sur la manière de lutter aussi, sur le conflit générationnel. Je trouve qu'il aborde des choses intéressantes. Donc, c'est un film qui m'a globalement, malgré ses défauts très très nets, qui m'a plutôt intéressé. Ah oui. Passé un moment agréable devant. Voilà. Il y a des moments où je me disais, regardez bande de pollueurs, ce que Greta va faire quand elle va s'énerver. Il y a un peu de ça, ouais. On dit Greta Thunberg, mais là, c'est la version qui a décidé de lutter plus activement. La version Reine Rouge, comme elle s'appelle elle-même dans le film, la gamine. La gamine qui joue très bien, d'ailleurs. Oui, elle est bien. Vraiment assez surprenant. C'est toujours la crainte quand tu lances un Children of the Corn, parce que forcément... les enfants, vraiment, au cinéma, c'est soit ça passe, soit ça casse. Pour plusieurs raisons, soit c'est le jeu qui est pas bon, soit, et c'est en partie l'un des problèmes du film, soit leurs dialogues sont écrits comme des adultes, alors que c'est des enfants, faut arrêter au bout d'un moment. De faire parler les enfants de 10 ans comme des sages qui en ont 50, il faut arrêter ces conneries. Et ça, c'est l'un des problèmes du film, par contre. Oui, mais vraiment, tous les dialogues, pour moi, ont un problème dans le film, pas que les siens. Tu vois, typiquement, une autre scène ratée, la scène où le village prend la décision de est-ce que oui ou non, il faut... détruire toute la récolte en cours pour repasser sur du nouveau maïs transgénique. La scène est bien jusqu'au moment où, tu sais pas pourquoi, les adultes se transforment en enfants et se mettent à bully leurs propres enfants. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends l'idée, mais c'est vrai que c'est assez mal écrit. Mais l'idée est pas mauvaise en soi. Oui, l'idée est pas mauvaise, mais c'est... qui méprisent. Mais c'est mal amené, en fait, parce que les adultes se comportent comme des ados, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Et en contrepartie, eux, les enfants restent stoïques comme des adultes. Tu fais, C'est bizarre. Du coup, la scène est bizarre, en fait. Enfin, il y a une volonté, je pense, là, d'inverser, justement. Oui, d'inverser les rôles, mais c'est beaucoup trop cash. Très bien amené. C'est ça, c'est beaucoup trop cash, beaucoup trop rentre-dedans sur cette séquence-là. Alors, si on reprend dans l'ordre, parce que le film commence plutôt sur des chapeaux de roue, quand même, avec une prise d'otage dans un orphelinat, par quelqu'un dont on peut supposer qu'il est déjà possédé par le maïs. Et les flics locaux règlent ça, tu vois, en voyant la scène, je me suis dit, non, c'est irréaliste. Et puis après, j'ai réfléchi, ouais, c'est des flics, ils feraient peut-être ça, en vrai. C'est-à-dire, ils envoient du gaz censé anesthésier des vaches, et qui tue tout le monde, hein, forcément, parce qu'un enfant, c'est plus petit qu'une vache. même un adulte, c'est plus petit qu'une vache. Oui, mais ça, d'ailleurs, on le voit plus tard. Hein. Ça marche aussi sur les adultes. Oui. Et en plus, ils envoient vraiment la quantité, quoi. C'est, oui. Donc, mais par contre, ça s'ouvre sur un plutôt chouette plan où la caméra part de la valve du tuyau, oui, pour ensuite remonter tout le tuyau et arriver là où le tuyau rentre dans le bâtiment. Le plan est plutôt pas mal, ouais, mais c'est pareil, il manque un peu de dynamisme, il manque un peu de truc. Ouais, ouais. Mais donc voilà, t'as l'idée qui reviendra des adultes qui en plus n'en ont d'autant plus rien à foutre que voilà, c'est des enfants, c'est des orphelins, c'est des enfants de la DAS, en gros, qui sortent, on devine qu'il y en a qui sont en réinsertion après un emprisonnement, donc ils n'en ont rien à foutre, et ils y vont à la bourrine. Ce qui montre bien, dès le départ, quand même, des adultes plutôt violents. Oui. Ensuite, effectivement, ça introduit donc les personnages principaux, avec cette idée intéressante, je trouve, que tous les adolescents veulent se barrer de cette ville. Oui. Il n'y en a aucun qui veut rester là parce que la ville est... Bah déjà, c'est une ville de gros beaufs dangereux. Oui, et puis il n'y a pas d'avenir, quoi. Et puis il n'y a pas d'avenir parce qu'il n'y a rien, il y a juste des récoltes qui sont en train de mourir à cause des OGM et ils ne veulent pas devenir agriculteurs en plus, les enfants. Donc ils sont obligés de se barrer. Et ça, je trouve que c'est pas trop mal traité comme thème, l'envie de quitter la campagne. Ensuite, effectivement, la scène de la fausse exécution, elle est trop bourrine et elle est longuette. Ouais. C'est un peu son souci. Et c'est dommage parce que, encore une fois, la photo et le décor en lui-même est vraiment pas dégueulasse, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis le décor, il est pas mal en plus, je trouve. Bah oui, c'est ça. Le décor est vraiment sympa. Donc... Puis encore une fois, la gamine joue bien. Ça, ce sera le cas dans tout le film. On y croit en leader un peu bizarre, d'enfant. Alors du coup, intérieurement, quand je regardais le film, j'ai rigolé parce qu'à ce moment-là, ils veulent exécuter le gamin parce que par sa faute, il y a un chien qui est mort. Et quand tu penses à ce qu'ils font après, oui, tu te dis bon, finalement, voilà quoi. Après, ils butent eux-mêmes un chien et ils récoltent son sang, donc tu te dis bon. Oui, mais c'est dans le cadre d'un sacrifice, c'est différent, c'est autorisé dans ce cas-là. Et en effet, après, on arrive assez vite donc à l'idée d'éliminer totalement le maïs à cause du sol abîmé par les OGM, plutôt que de tenter d'améliorer la situation, ce qui, là, en plus, est d'autant plus intéressant comme thème que c'est quelque chose qui est vraiment fait par pas mal de politiques d'agriculture et par pas mal de politiques écologiques. Je rappelle qu'il y a quand même des recherches qui se font en ce moment pour faire des robots abeilles, oui, plutôt que de tenter de sauver les vrais, quoi. Oui, c'est quand même assez incroyable. Donc des trucs ouf dans ce genre-là, on en a qui sont complètement débiles. Donc je trouve que le film est plutôt réaliste dans son traitement du rapport à l'écologie, en réalité. Ah oui, non mais clairement. Il y a un message. C'est juste que, bon, est-ce que, du coup, exterminer tout le monde, c'est vraiment la bonne solution ? Bah, disons qu'on comprend l'énervement des enfants qui sont pas du tout écoutés à aucun moment. En fait, ce que je reproche au film, du coup, sur le message, c'est que c'est... Oui, le message est bon, mais la seule solution qu'il t'apporte, c'est d'exterminer tout le monde. Bah, c'est là un peu mon souci. Ambigu, oui. Est-ce qu'il nous dit qu'il faut essayer autrement parce que exterminer tout le monde ne marchera pas mais en même temps... C'est pas ce que je comprends, moi, personnellement. Mais... Bah, il est ambigu à ce niveau-là, je crois. Parce qu'elle n'est pas non plus totalement héroïque, Eden. Non, non, clairement pas. Mais c'est quand même elle qui, jusqu'à la fin du film, a le dernier mot, au final. Oui. Même si elle ne laisse pas vraiment la tentative de passage par le journalisme se mettre en place. Oui, c'est vrai. C'est peut-être celle-là qui aurait été défendue par le réalisateur. Mm. On pourra en parler, je trouve que le film, d'une certaine façon, est assez symbolique de... Parce que c'est Bolchevique qui appelle ça le syndrome Magneto. Ouais. Tu avais lu. Je sais pas si t'as lu le livre, mais. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu la vidéo. Et il y a un peu de ça, en fait. C'est un exemple typique de méchant qui a totalement raison, mis à part sur la méthode, en fait. Il y a vraiment que le fait qu'il tue tout le monde qu'on peut lui reprocher. Et voilà. Donc je trouve ça intéressant, même si c'est toujours dur à traiter ce genre de méchant. C'est des méchants qui sont de plus en plus courants. Au final, Thanos, c'est ça aussi. Oui. C'est le syndrome Magneto. Bah, ce qui est intéressant, dans c'est... le fond, il a totalement raison, mais bon. Bon, est-ce que exterminer la moitié de la population, alors que possiblement avec le gant tu devrais pouvoir augmenter en fait les ressources. Bon, ta méthodologie elle est bizarre, monsieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de méchants Magneto a posteriori en fait, quand tu regardes des films des années 80-90 où tu dis ah en fait c'est le méchant qui a raison. Ah oui. Mais où à l'époque c'était clairement pas conçu pour ça, par contre. Oui, voilà. Oui, parce qu'après nos mentalités à nous ont évolué avec le temps. Mais genre, je crois que c'est le premier Ghostbuster où le méchant, c'est un écolo, en fait. C'est qui le méchant le premier ? Je sais plus. Il y a un des deux Ghostbusters où il y a une histoire de méchant écolo, mais qui est présenté comme un pur méchant. Il n'est pas du tout défendu dans le film, alors qu'en vrai, il a plutôt raison. Alors, faudrait que je revoie le premier Ghostbuster, ça fait très longtemps. Je me souviens surtout, moi, du méchant du 2, donc dans le tableau. Oui, oui, des Carpates. Les Carpates. Là, des Carpates. C'est le 2 m'a plus marqué que le 1, moi, de Ghostbusters. Mais donc voilà, il y a une méchante intéressante, même si on verra, du coup, comme tous les méchants Magneto, elle est compliquée à traiter. Un plan que j'ai trouvé très joli, qui vient peu après, c'est celui où le maïs console justement Eden. Ah oui, où tu vois seulement ses grandes paluches. Ouais, c'est ça, et c'est limite, tu vois même pas encore que c'est les formes de mains, il y a un joli plan à ce moment-là. Oui. Tu distingues, oui, que c'est une forme un petit peu humanoïde, mais bon. Mais globalement, la créature, comme tu l'as dit, est plutôt bien faite. Il y a des chouettes plans d'ailleurs, hein, quand certains personnages regardent un peu dans le maïs, tu vois, forcément avec le vent qui fait bouger les feuilles, t'as l'impression de distinguer des silhouettes. Le film joue plutôt bien sur ça, sur le mystère qu'il y a à l'intérieur même du champ. Bah, pour le coup, dans les adaptations qu'on a vues qui filment un champ, je trouve que c'est celle qui arrive le mieux à le rendre inquiétant dans les hautes herbes. On est d'accord. Et effectivement, donc à ce stade-là du film, il y a trois camps qui se mettent en place. Donc les adultes qui sont des connards, les ados principalement via Boylin qui veulent passer via les réseaux sociaux et la communication. En fait, elle prévoit d'appeler une journaliste pour montrer ce qui se passe, pour tenter de faire une sorte d'appel national. Les ados qui sont un peu plus réfléchis, quoi. Voilà. Et les enfants qui sont dans l'optique de tuer tout le monde. Mais donc ça, c'est un peu primaire, mais ça montre un conflit de génération qui est effectivement peut-être un peu symbolisé aujourd'hui avec, alors en rajoutant quelques années à tous les groupes, mais avec une génération, on va dire, de cinquantenaires qui est plutôt traditionnaliste et qui fonce dans le mur. Ceux qui sont peut-être dans la trentaine, la quarantaine, qui sont plus prudents mais qui croient encore à la méthode douce. Et de plus en plus, ceux de notre génération ou de celle d'avant qui se disent « Bah non, de toute façon, il va falloir se saigner les mains si on veut changer les choses, parce qu'on nous écoute pas quand on essaie d'y aller doucement. » Oui, et puis... Faut aussi dire que le passé nous a donné raison et que tout s'est obtenu via le sang et des mouvements de populace assez violents, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Donc, ça reflète bien quelque chose qui existe aujourd'hui. À ce niveau-là, le propos de Kurt Weimer sur des enfants de plus en plus engagés et de plus en plus décidés à y aller à la bourrine, il est assez vrai. Et je trouve plutôt intéressant qu'ils le prennent relativement en sympathie. Oui, pour le coup, je pense que le film aurait gagné à être un peu plus long, limite, et à un peu plus développé, parce qu'au final, on a Beau côté ado, on a... comment s'appelle la gamine, déjà Eden. Eden, côté enfant, et en fait, on n'a pas réellement de figure dominante adulte, et je trouve que c'est dommage, ça manque un peu. Ça manque un peu, le film aurait peut-être gagné quelques minutes de plus, à prendre quelques minutes de plus pour en développer un justement, parce que c'est un camp où... Oui, c'est purement les méchants, c'est purement les antagonistes, et effectivement ils sont pas plus développés que ça. Voilà, et je pense que c'est un peu dommage. Tu vois par exemple, on aurait pu créer un personnage adulte intéressant en sacrifiant le personnage du petit frère qui lui ne sert à rien et qui devient méchant comme ça en claquement de doigts, quoi. C'est là je me dis qu'il y a peut-être des trucs coupés parce qu'effectivement il devient méchant en claquement de doigts et c'est jamais réutilisé par la suite. Il n'y a pas de conflit moral avec sa sœur. Ah ouais, c'est super brutal, quoi. Il est vraiment trop expédié, ce personnage là c'est dommage. Mais comme tu dis, c'est fort possible que ce soit de la coupe parce que c'est tellement brut que tu te dis bah comment ça, c'est bizarre. Ouais, il y a peut-être eu des trucs coupés du fait du tournage qui forcément a dû prendre plus longtemps par scène du fait des restrictions. Je trouve que Boylin notamment reste quand même très très calme face à beaucoup de trucs qu'elle voit, notamment le chien égorgé avec les enfants qui jouent avec son sang et après les enfants qui se baladent en sang alors qu'il y a une journaliste qui doit arriver. Oui. Elle reste vachement détendue, hein. Moi je pense que j'aurais paniqué un peu avant, tu vois. Oui, bon, c'est le syndrome de Stockholm, ça. Ou alors c'est que ça se passe tous les jours dans les petites villes de campagne d'Amérique, je ne sais pas. Peut-être, mais là, pas, nous ne sommes pas des campagnards américains. Elle est plus zen que moi, hein, la fille. Oui, d'accord. And guess what else? From now on, no one in Royalston and no one out. And if anyone cares to stop here, guess what we're gonna do? Get them into the corn. That's right. Get them into the corn. Because we don't need a single thing they have to offer. Everything we've ever needed is right here, right out there in those fields. The corn, the earth, will take care of its children. This is our world now. And we're gonna run it the way we want for a change. And we're gonna run it right. Right! I don't think it's gonna be Ryleston either. We're gonna spread the word all across this country. You think there aren't others like us? Kids, seeing their world and future just being traded away. Well, they're gonna take their towns too and make this whole world right again. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que les effets, alors pas spéciaux numériques, mais les pratiques sont très réussies. Typiquement, et les meurtres sont plutôt sympas aussi. Je pense au pasteur qui se fait arracher les yeux. Oui. La scène est vraiment réussie, elle est très brutale en plus. Ouais, elle est très brutale. Juste avant, il y a aussi eu un des potes de Boylin qui s'est fait tuer. Ouais. Lui aussi, c'est assez brutal. Il se prend un énorme coup de batte par Eden qui arrive de manière très surprenante. J'ai trouvé ça assez réussi, effectivement, les effets gants. Après, il tombe par terre et t'as la moitié du visage qui est un peu arraché. Très, très réussi. J'aime beaucoup aussi la pendaison du père de je sais plus qui. Tu sais, avec le cheval qui fait balancier. Et donc, plus le cheval avance, plus il est pendu en l'air. Ouais, c'est ça, le père violent, là. Oui, il y a ça aussi, hein. Les adultes sont physiquement violents, c'est très sous-entendu, avec à peu près tous les enfants. Que ça se cogne dessus un peu partout, c'est clairement amené comme thème. Bon, donc il y a une bonne partie des adultes qui sont tués alors de deux manières. Il y en a une partie qui se fait gazer, comme au début du film, donc retour de bâton. Et il y a la scène dont on a un peu parlé, de l'ensevelissement, où là, l'idée est bonne, mais il y a clairement un manque de budget qui fait que ça marche pas. Comme tu le dis, c'est que des gros plans. La photo est moins bien aussi à ce moment-là. C'est vraiment un manque de budget et ou de réalisation, quoi. Ouais. La première apparition de celui qui marche, de He Who Walks, moi, je la trouve pas mal. Celle où il vient chercher la journaliste, pas où il la tue. Mais oui, il vient la chercher parce que là, pour le coup, il est vraiment pas beaucoup filmé. Ouais. Je crois même qu'on le voit quasiment pas dans cette scène-là. Et la scène est vraiment inquiétante en plus. Ouais, là, en plus, ça prend bien son temps. La scène dure un moment. Et ça reviendra, ça, toutes les fois où on le verra qu'un peu. Il y a un plan où on voit juste son visage. Et son visage, je le trouve bien fait dans le mélange de quelque chose de naturel et de quelque chose d'un peu humanoïde. Ouais. C'est les plans où on le verra en entier, où là, il y a un côté géant vert et où les effets spéciaux sont moins bien gérés. Ouais, clairement, ouais, d'accord. Mais toutes les fois où on ne voit qu'un bras, un visage, un bout, je les trouve assez intéressantes. Très, très maîtrisées. C'est très réussi aussi dans le travail sur l'échelle entre lui et les autres personnages, du coup. Oui. Typiquement, la scène que t'aimes bien, faut comme moi aussi d'ailleurs, quand il rassure la gamine, ses bras, ils sont énormes, quoi, comparé à son tout petit corps à elle. Ouais. Il y a plusieurs fois où le jeu de la différence de format, d'échelle plutôt, est très réussi. Ouais. En fait, je me demande si, outre le manque de budget peut-être qui a joué, s'il n'y a pas l'idée que quand on en voit qu'une partie, c'est plus facile de le faire bouger de manière un peu libre et de le rendre moins humanoïde, tandis que quand il est en entier, c'est bien obligé d'être quelqu'un qui marche et donc c'est tout de suite, c'est plus terre à terre. Oui, clairement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Donc, l'héroïne arrive à s'évader, à échapper aux enfants difficilement. Là, tout le monde s'est fait tuer. Hein. Il reste que elle, en gros, dans la ville de vivante, elle et les enfants. Et son plan final, c'est de brûler le maïs. On se demande comment elle l'a mis en place, hein, quand même. Oui, c'est clairement, vrai. Clairement, là, je pense qu'il faut pas trop se questionner à ce niveau-là. On ne voit pas à quel moment il a pu. Il ne faut pas du tout se questionner, mais ça donne une scène très jolie niveau éclairage et lumière. Du coup, je pardonne. Ouais. Tu sais, avec l'éclairage, parce qu'il y a quelque chose dans le décor, c'est les phares de la bagnole, je crois, qui produit du rouge. Et donc, son visage est à la fois éclairé par la luminosité de la lune sur le bitume, plus le rouge produit par le phare. Et vraiment, ça rend le plan très très joli. Bah, et puis après, on a Eden qui va se partir avec l'entité du maïs qui est brûlée. Et même ça, je trouve ça intéressant. Elle rejoint le jardin. Il y a, bon, alors, la symbolique de son prénom, elle est depuis le début, hein, de toute façon. Oui, oui. Elle est assez évidente. De toute façon, Children of the Corn est empli de messages religieux, que ce soit la nouvelle ou toutes les autres adaptations qu'on a vues. Mais disons que là, d'habitude, il est traité entièrement négativement. Bah, c'est le propos de la nouvelle, hein, que c'est un culte négatif. Là, c'est beaucoup plus ambigu quand même. Oui, clairement. Sachant que je trouve intéressant, juste après, dans les dernières scènes, quand il y a les plans sur le maïs totalement dévasté, au final, la méthode qu'a utilisée Boylin pour gagner, bah, c'est de tout détruire d'une certaine façon. Elle a rejoint le camp des adultes et elle a été aussi destructrice qu'eux. Mm. Elle a complètement détruit l'avenir de toute la région. Oui, on est d'accord. Donc c'est là qu'est l'ambiguïté, en fait. Qui a raison, qui a tort dans cette histoire? On peut pas dire qu'Eden a complètement raison. Mais en même temps, je trouve la fin très pessimiste. Pour moi, c'est même si on supprime la toute dernière scène avec le mix Eden démon du maïs, ouais, qui était dispensable, je pense, totalement. Scène qui a vraiment pas raison d'être. Hein. Ouais. C'est limite, t'as l'impression qu'il a voulu mettre une scène comme ça en hommage à Carrie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un code du cinéma d'horreur. Hein. Faire une dernière scène un peu jump. Même si après, du coup, je trouve que transformer Eden en espèce de mix humain. Créature maïs, l'idée est bonne. Ouais, je pense que c'est exploitable en réalité. L'idée est bonne parce que du coup, ça fait un cycle. Bah, maintenant qu'elle a terminé sa vie d'humaine, elle va redevenir la nouvelle entité et donc essayer de sauvegarder ce qui a été détruit par la génération précédente. Tu vois ce que je veux dire? Bon, visuellement, c'est pas réussi. Oui. Et du coup, ça arrive de manière tellement brutale que bon, au final, ça te sort plus du délire qu'autre chose. Mais ça pourrait partir sur quelque chose d'intéressant si jamais... Si c'est exploité par la suite. Il devait y avoir une suite. Bon, ce n'est pas un personnage qui, pour moi, est un pur antagoniste. C'est un personnage, encore une fois, qui peut avoir un peu raison. Oui. Donc voilà, je trouve que le message, au final, est ambigu. Et c'est peut-être ce qui est un peu intéressant. Comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Clairement pas comme un soutien de la solution tout détruire, je pense, et tuer tout le monde. Je pense pas que ce soit ce que défend Kurt Weimer. Mais pour moi, la victoire de l'héroïne au final est assez amère et elle a plus rejoint le mauvais camp, en somme. Toi, il y a des points sur lesquels tu veux revenir? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce nouveau Children of the Corn, qui est un film tout de même sympathique. Ouais. Qui manque vraiment... il lui manque vraiment pas grand-chose pour en faire un bon film. Ouais, je pense. Hein. Vraiment, c'est limite, c'est... si un jour, on fait les magasins d'occasion ou quoi, et que je le croise en physique, je le prends, en fait. Ouais, moi aussi, pour le coup. Parce que il y a des scènes qui étaient vraiment sympas, et que ça me dérangerait pas de revoir, et même le film au global, quoi. Mm-hmm. C'est le genre de film qui est intéressant à analyser, parce que tu peux essayer de voir pourquoi certaines scènes ont raté, et pourquoi d'autres sont réussies. Oui, ça, totalement, ouais. Et c'est en ça que, clairement, c'est peut-être l'un des... c'est même pas peut-être. C'est l'un des films Children of the Corn, c'est l'un des meilleurs qu'on ait vu. Oui. Clairement. Oui, de loin. Bon, après, la concurrence est tellement pas folle que, bon, voilà. Il y avait juste Runaways, quoi, qui arrivait à être fun par moment, mais même celui-là, je le trouve mieux que Runaways, quoi. Ouais, pareil. On va revenir sur une petite scène. Ouais. Et on se retrouve tout de suite. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Très bien, nous avons choisi une scène qu'on a déjà un peu évoquée, qui est celle où la petite ville se réunit pour voter l'utilisation des OGM et ne demande pas du tout son avis aux plus jeunes. Donc on passe la scène. All right, we're doing this. Everyone's voted. Except everyone hasn't voted. Not us. The children. They're right. It's the little ones' futures too. Yeah, they don't even get a vote. A say? Because Bo is right. We have a choice. All right, enough horse shit! Children! Having a say. I thought 17-year-olds mouthing off was bad enough. Stupid kids! Little kids! Voting! Yeah, well, I vote you go home and play with your toys. Okay, little girl? How's that sound? Yeah? You too, boy. You just wait till I get home. You just wait, boy. It's a child, for Christ's sake. Hey! All right, knock it off. That's enough. Knock it off! What's wrong with you? Okay. It's settled. In less than 48 hours. Corn will be dead in Ralston forever. Voilà donc une scène, comme on en a parlé, ça vous a, bon, c'était en VO pour ce que le film n'a pas été doublé, mais ça vous a permis de constater que les dialogues sont pas forcément ouf si vous comprenez l'anglais, mais qu'il y a un conflit intéressant qui se met en place. Oui. Et avec une question surtout intéressante et logique, à savoir pourquoi ne pas demander aux plus jeunes leur avis, parce qu'effectivement, c'est surtout de leur avenir à eux que ça dépend. Oui, c'est vrai que au moins les ados, c'est évident qu'on pourrait leur demander, et c'est vrai qu'en réalité, ça paraît peut-être absurde à première vue, mais ça se pose aussi pour les enfants. Voilà. Dans la mesure où c'est eux qui auront à gérer tout ce bazar dans quelques années. Alors après, tu pars dans des questionnements sur le droit de vote et tout, mais oui. Même ça, dans le fond, sont des questionnements intéressants, oui. Le droit de vote pourrait largement être rabaissé... au-delà de 18 ans. D'autant qu'on est dans une société qui où il y a quand même une grosse part de personnes âgées dans la pyramide des âges telle qu'elle est en France, et que ça fait que des gens qui vont crever bientôt, et le dire comme ça, peuvent voter pour toutes les saloperies qu'ils veulent, et après eux, le déluge, quoi. Donc, voilà, et puis, mine de rien, le réalisateur a raison, dans l'extrait d'interview que j'ai lu tout à l'heure, la nouvelle génération est informée de plus en plus jeune. Oui. Et avec des véritables sources, en fait, grâce à Internet et tout. C'est pas juste des bruits qui courent dans la cour de récré, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. C'est... Ils savent ce qui se passe dans le monde. Puis je trouve intéressant aussi de montrer que le vote leur est retiré, qu'ils ont plus de raison d'y croire, et qu'au final, c'est normal aussi de recourir à des solutions de plus en plus alternatives, voire illégales, parce que... le vote, ça marche pas, en fait. Oui, voilà. On est dans un pays où les vieux ont fait élire Macron, en réalité. Hein. On présente les jeunes avec Macron, mais ils doivent être 10 à tout casser. Oui, voilà. C'est les vieux qui l'ont fait élire, surtout. Oui, les jeunes avec Macron, on est d'accord, c'est une image de marque. Ouais, voilà. Tout simplement. C'est comme les femmes avec Zemmour, quoi. Oui, voilà. À un moment, c'est antinomique. C'est ça. Ou les personnes d'origine étrangère avec Le Pen, quoi. Ouais. T'étais déjà tombé sur la campagne où Le Pen avait essayé de faire une chanson Zouk pour sa campagne. Oui, c'est horrible. C'est génial. C'est un chef-d'œuvre. Et il y a autre chose qu'on n'avait pas encore évoqué dans le reste de l'épisode, c'est le père de Beau, qui lui fait partie de ces rares adultes, parce qu'il y en a que deux, il y a le pasteur et lui, à être vraiment au centre, en fait. Eux, c'est des centristes. Ouais. Sur l'échiquier politique, c'est Bérou. Alors, je sais c'est pas. C'est dur. Oui, bon, d'accord, c'était un petit peu brutal. Parce que Bérou, je crois qu'il a plein de procès au cul maintenant. Et il est devenu macroniste. Après, en plus, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est intéressant parce que le père de Beau s'est dit plusieurs fois que quand il était plus jeune, Il était plutôt révolté, plutôt du côté on essaie de lutter contre le destin, et que c'est la mort de la mère notamment qui l'a il est devenu tragique, et qui lui a fait abandonner. En fait, il est plus blasé et désespéré que centriste par conviction. Il a juste plus de conviction en fait, le personnage. Mais du coup, c'est un personnage intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas été plus développé que ça. Oui, parce qu'au final, ce qu'il représente est plutôt pertinent. Il a pas envie de faire de mal particulièrement, mais il en a juste plus rien à foutre. Oui, voilà. Et le pasteur, lui, il a plutôt des bonnes intentions. C'est lui qui recueille la seule survivante de l'orphelinat, donc Eden. Ouais. Il paraît plutôt bien intentionné. C'est juste que, en ne faisant rien, en voulant ménager la chèvre et le chou, au final, il fait du mal, quoi. C'est ça. Mais du coup, ces deux personnages d'adultes qui symbolisent, je pense, des trucs qu'on retrouve pas mal. Le père de Beau, je pense que c'est quand même un symbole de pas mal de postes 68ards et compagnie, dans ceux qui n'ont pas viré totalement à droite. Oui, voilà, en fait. Il y en a pas mal qui sont comme ça, en fait, qui sont juste blasés. Oui, voilà, qui ont encore de réelles convictions de gauche, mais qui ont baissé les bras face au système. Ouais. Ils se disent, c'est foutu. Un peu les Renault, en fait. Oui, bon, sauf que maintenant, Renault, il commence à virer à droite, mais... Oh, il est revenu depuis qu'il a embrassé un flic, non ? Non, ça c'est parce que t'as des espoirs pour lui. Je sais pas. Mais oui, deux personnages intéressants qui montrent des adultes qui, même quand ils sont pas volontairement nocifs, au final, font du mal, ne serait-ce qu'en suivant le mouvement. La fameuse idée, maintenant, ne plus être politisé, c'est servir les puissants, en fait. Non, en fait, voilà, je sais à qui me fait penser, du coup, le père. Merde, comment il s'appelle cet humoriste qui était dans Caméra Café et qui des fois ça doit être le Solo ou le Bollock, donc c'est le Bollock qui des fois a des pures sorties de gauche je crois et antifasciste et ultra pro ouvrière, et tu comprends qu'en fait le mec est d'extrême gauche à donf, mais juste il a baissé les bras et il en peut plus. Encore que le Bollock, je crois qu'il parle encore pas mal, il s'exprime pas mal, c'est juste que c'est pas quelqu'un qui est très sur le devant de la scène. Oui, voilà. Mais ouais, c'est un peu... c'est intéressant comme personnage, en effet, ces deux-là. C'est les deux adultes qui auraient mérité d'être plus développés, je pense. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, on classe ? Je pense qu'on peut classer maintenant. Eh ben, allons-y. Très bien, nous avons donc juste à classer le film. La nouvelle, je vais rappeler encore une fois à quelle place elle est dans notre classement. Elle est à la 39e place des ouvrages. C'est la deuxième fois d'affilée qu'on fait un démon du maïs, donc il n'y a pas de raison qu'elle ait bougé. Oui. Les films, nous avons 71 œuvres au classement, films et séries. Aux 5 premières places, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, c'est notre dernier épisode, c'était atroce. The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher, le documentaire sur les théories autour de Shining. Et donc ce démon du maïs, effectivement, on va tout de suite... On va se mettre au-dessus de Children of the Corn Runaway. Ouais, donc Children of the Corn Runaway, je ne sais pas si tu l'as, il est à la 23e place. Ouais, je l'ai sous les yeux. Il est entre Quicksilver Highway de Mick Garris et The Mangler de Tob Hooper, et effectivement on est déjà au-dessus de ça. Pour moi c'est plus haut, mais c'est pas tellement non plus énormément plus haut. Ah, moi quand même quelques places, tu vois. Ah ouais, je le mettrais haut. En fait, je trouve qu'il y a des films dans ce qu'on va devoir, dans ce qu'il y a au-dessus, qui vont être globalement plus réussis, notamment dans les dialogues, ouais, et donc dans le jeu, mais l'intérêt du message me pousse peut-être à favoriser le Children of the Corn, et donc moi je le mettrais à la 15e place, c'est-à-dire entre Cœur perdu en Atlantide et Fenêtres secrètes. Ah ouais, moi je le voyais un tout petit peu plus bas. Je le voyais entre Les Ailes de la Nuit et Running Man. D'accord. Après, c'est peut-être Les Ailes de la Nuit qui aurait mérité d'être plus haut. Peut-être un peu, ouais, réflexion. C'était vraiment sympa. Parce que là, en fait, le trio Cimetière, Les Langoliers, Les Ailes de la Nuit, c'est trois films qui sont réussis sur plein d'aspects. Mais au final, ils n'ont pas tant de choses à rattraper. C'est vrai que dans Les Hautes Herbes, il y a déjà une vraie originalité de la forme, quand même. Ouais. Ça, je veux bien reconnaître. Ah, sinon, du coup, on coupe la poire en deux, on le met entre Les Hautes Herbes et Cimetière. Ouais. À la limite. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir qu'il soit au-dessus de Cimetière. Bah voilà. Juste au-dessus, mais du coup, ouais. 17e place, après Dans les Hautes Herbes et avant Cimetière, celui de Mary Lambert. Oui, l'original. Le film original. Donc, si, on est dans la catégorie des films moyens plus. Hein. Oui, là même, on est dans les films que je peux conseiller sans problème. Oui, typiquement. Dark Side, Les Ailes de la Nuit, oui, on est dans des bons films quand même. Oui, c'est ça, c'est des trucs devant lesquels on a passé un bon moment. Ce qui fait effectivement que c'est le mieux classé des Démons du Maïs, puisqu'il est à la 17e place. Il risque de pas être dépassé avant un moment. À mon avis, ouais, faut pas trop espérer qu'il soit qu'il y ait de la concurrence, mais donc c'était une agréable surprise, et vraiment, je ne comprends pas les avis négatifs. Bachage qui se prend à ce point-là. Ah oui. J'ai lu une bonne critique de celui-là sur c'était quoi horreur.fr ou horreur.com, je sais plus. Un site spécialisé dans les critiques de films d'horreur francophones. Oui, j'ai dû y passer aussi. Il y en avait une ou deux bonnes des fois, mais pas beaucoup. Hein. Voilà, qui globalement était plutôt d'accord avec nous, qui disait que c'était un bon film sans être extraordinaire. Donc voilà, bah pour la deuxième fois, on avait déjà fait ça avec Runaway, on peut vous conseiller un Démon du Maïs, qui pour le coup, en plus, comparé à Runaway, a vraiment un vrai rapport avec des enfants et du maïs. Oui. C'était beaucoup moins le cas de l'autre, qui avait quand même pas grand-chose à voir. Ah oui, voilà. On va pas se mentir. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour retrouver à nouveau Midgaris. On est vraiment sur une série de Démons du Maïs et de Midgaris en ce moment. Hein. Oui, oui. Cette fois-ci, avec un tour sur le bolide. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en attendant. Oui, @cinémaarchiviste pour toi, Chris de Lostales pour moi. Ouais, donc. Chris de Lostales pour moi. Ouais, on met les liens de toute façon dans la description, voilà. N'hésitez pas à venir faire coucou. Nos pseudos sont les mêmes sur Blue Sky également. Ouais. Sauf que moi, le tiret, il y en a un, c'est l'underscore, et l'autre, c'est le tiret du 6. Ouais, effectivement, n'hésitez pas à venir sur Blue Sky, c'est vraiment sympa, ouais. L'ambiance est meilleure. C'est chill. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. N'hésitez pas à partager cet épisode, ça peut vraiment nous aider. Ça fait plaisir à chaque fois. Exactement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur Discord. Ouais, ou à dire ce que vous avez pensé du film aussi, si vous le regardez. Des fois, il y a des gens qui nous donnent leurs avis, ça arrive de temps en temps, et c'est sympa, je trouve. Mais oui. On est déjà en train de nous préparer pour les Tommy Knocker. Ouais. Message de poster sur le Discord. On n'est pas encore tombé. Non, pas encore. Et ben en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.